Rien ne se tait en moi alors que la jeune fille sourit. Vagues brunes comme des à-coups du sang, dans le sang. C'est la beauté, le silence à 3 heures. Cela m'est tombé des mains, organe lumière dans un bruit sourd. On reconnaissait des sourires le long des corridors. Après elle, loin d'elle, j'attendais ce monde à genoux et la mer volubile, certaine. Regardant des tableaux aux visages qui n'en sont plus, à l'extrême pointe de l'amour, non, rapatrié vers l'ordre, sois sûr sous la lampe que devenir, c'est être immobile. Ce fut le choc, la stupeur certaine de mon cœur à l'arrêt, l'âme face au ventilateur. Ça ne s'imagine pas les en-dessous du monde. Au réveil, un tremblement parcourt des vies fétales et le rêve solaire devient un cauchemar brutal. Ce n'est rien, enfant. Juste un souffle rendu, une fin de vie.